À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée, les conférences et séances de films ont eu lieu le 13 courant en Hongrie et en Slovénie. Y ont pris part les personnalités de tous les milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont exalté les exploits mortels du président Kim Il-sung qui a vaincu les impérialistes japonais et libéré la Corée. Aux séances de films, on a projeté des documentaires coréens présentant Pyongyang transformé à merveille sous la direction du Parti Travail de Corée. Par ailleurs, à la même occasion, le président de l'Organisation d'études des études judiciaires de Thaïlande a publié le 15 courant un entretien.